force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui est rempli de révolte. Tu es révolté contre ton père parce que tu dis que ton père n'a pas payé tes études. Écoute-moi bien, tu as la grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, oublie tout ce qui s'est passé. Dieu t'a fait la grâce de connaître Jésus. Pardonne à tes parents, pardonne à ton père et prends soin de lui. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous allons prier en nous inspirant du psaume 18, du verset 1 à 20. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui, c'est le psaume 18, la première partie, 1 à 20. Lisons ce psaume. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé de eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent. Les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Il y a quatre vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, auditeurs, auditrices de OSP. Première vérité, apprenons à chanter des cantiques de reconnaissance à Dieu. Le verset 1 nous montre le contexte dans lequel David a chanté ces cantiques. C'est lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül. Saül était son principal ennemi. Nous savons la raison pour laquelle Saül voulait l'éliminer. Il craignait qu'un jour David ne le remplace comme roi. Il avait de plus en plus peur de David car il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Nous pouvons avoir aussi des Saül, mon frère. Qui est ton Saül qui te fatigue, qui te poursuit? Il ne veut pas que tu puisses accéder à un poste élevé. Il ne veut pas que tu puisses te marier. Il ne veut pas que tu puisses avoir ton visa. Il y a un Saül qui te combat. Ce sont nos patrons, nos chefs de service, nos directeurs, nos présidents qui redoutent notre ascension à cause de nos talents. Dieu peut nous délivrer comme il a fait pour David. Lorsque nous avons expérimenté la délivrance divine, manifestons-lui notre reconnaissance comme l'a fait David. Nous avons un autre exemple dans la Bible, celui de Moïse et Myriam qui chantèrent un cantique lorsque Dieu engloutit l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Vous trouvez ça dans Exode 15. Deuxième vérité, Manifestons notre amour à Dieu pour ce qu'il est pour nous. David cite 6 attributs de Dieu pour lesquels il dit « Je t'aime, ô Éternel ». Toi aussi, tu dois dire aujourd'hui « Je t'aime, ô Éternel ». Pourquoi David dit-il « Je t'aime, ô Éternel » Il dit d'abord 1. L'Éternel est ma force, verset 2. C'est en lui que nous tirons notre force. Ce n'est pas dans les fétiches, dans les maraboutages, dans les libations. Non, c'est en lui. Deuxièmement, il dit « Tu es mon rocher ». Le dictionnaire Larousse définit les rochers comme étant une grande pierre dure, escarpée, qui paraît enracinée dans le terrain ou qu'on ne peut remuer. David veut souligner la solidité du rocher. Cette solidité fait du rocher un lieu sûr où on peut s'abriter. Il dit aussi, tu es ma forteresse, au verset 3. Une forteresse, c'est un lieu fortifié, organisé pour la défense d'une ville ou d'une région. L'Éternel est comme cette forteresse qui défend les croyants. Il dit aussi, tu es mon libérateur, verset 3. L'Éternel nous libère de nos ennemis. Il a délivré Daniel de la fosse au lion. Il a délivré Pierre de la prison de manière miraculeuse. Il est capable de te délivrer aussi, quel que soit le combat que tu vis. Il dit aussi, tu es mon bouclier. Verset 3, il nous protège contre les flèches de l'ennemi. Et enfin, il dit, tu es ma haute retraite. Verset 3, il est ce lieu auprès de qui nous trouvons refuge. Tous ces 6 attributs soulignent une même vérité. Nous trouvons notre force et notre refuge en Dieu. C'est pourquoi nous devons lui manifester notre amour en lui disant, je t'aime, ô Éternel. Pour ça, tu es ceci pour moi, tu es ma force, tu es mon libérateur, tu es mon bouclier. Troisième vérité, par la louange, Dieu nous délivre. Il y a une puissance extraordinaire dans la louange. Je vais dire à une dame, pourquoi pleures-tu ces derniers temps? Essuie tes larmes. Quand tu te réveilles le matin, au lieu de prier, même au milieu de la nuit, au lieu de pleurer, commence à louer le Seigneur. Il y a une délivrance, il y a des délivrances que Dieu opère pendant la louange. Au verset 4, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je veux que quelqu'un qui me suit dise, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Reprends encore. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dis-le encore. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça veut dire que pendant que tu loues, Dieu débloque, il déploie sa puissance pour te délivrer de tes ennemis. Il nous délivre également de certains liens qui peuvent nous environner. Dans ce psaume, David parle des liens de la mort dont il fit environner. Parfois, quand tu commences à voir des songes bizarres, des gens qui sont décédés, ton oncle, ton père, ta mère, ce n'est pas normal de voir souvent en songe des gens décédés. Ça peut être un lien de mort. Ça veut dire que dans ta vie, tu as des liens de la mort. Et je prie pour que aujourd'hui le Seigneur te libère de ces liens de la mort. Souvent, quand tu loues le Seigneur, ces liens sont brisés au nom de Jésus-Christ. Dans ce psaume, David parle des liens de la mort. Lorsqu'il a crié à l'Éternel, il en fut délivré. Christ était aussi environné des liens de la mort. Mais la Bible dit, il n'était pas possible que les liens de la mort le retiennent du tombeau. Selon Actes 2, verset 24. Le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Je vais dire à quelqu'un, tu ressembles à un mort. C'est comme si on a enterré ta vie, on a enterré ta prospérité, on a enterré ton foyer, on a enterré ton diplôme. Mais je déclare que cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est capable de ressusciter tout ce que l'ennemi a détruit. Quatrième vérité, dans la détresse, invoquons l'Éternel et il viendra à notre secours. Au verset 7, David dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. La détresse peut représenter les éléments ci-après. Ça peut être la maladie, la menace du licenciement, la guerre, les attaques physiques ou spirituelles de nos ennemis, le décès d'un parent ou d'un proche, l'échec au concours ou à un examen, l'emprisonnement, etc. Quelle que soit la détresse que nous traversons, invoquons le nom du Seigneur. C'est lui qui peut nous secourir de manière parfois inattendue. Dieu travaille dans l'invisible pour nous faire sortir de notre détresse. Dans ce psaume, David décrit une série d'actions divines qui démontrent sa capacité d'intervention surnaturelle et rapide. Comme agiraient les forces spéciales de la police pour libérer les otages qui sont entre les mains des ravisseurs. Quand tu lis ce psaume, tu te rends compte que Dieu fait parfois des opérations qui sont des opérations de sauvetage, de délivrance. Il y a une série de verbes ici que David écrit. Quand il a crié à l'Éternel, il dit, au verset 7, « Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Il dit, « Il abaissa les cieux et il descendit. Il lança la grêle et les charbons de feu. » Vous voyez, il y a des âmes que nous on cite souvent. C'est la vérité pour ceinture, la cuirasse, la justice, l'épée de l'esprit. Mais ici, David nous révèle d'autres armes que parfois nous ne connaissons pas, que Dieu lui-même utilise. Il dit, il lance des flèches. Dieu a aussi des flèches qu'il lance. Et pour disperser nos ennemis, on dit, il lança la grêle, les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu va se lever pour lancer des flèches dans les camps de tes ennemis. Il va envoyer des charbons de feu. Peut-être que toi tu ne vas pas, mais il y a des dégâts qui se produisent dans les camps des ténèbres à cause de toi. Il dit, il multiplia des coups de foudre et les mises en déroute. Donc il y a aussi des foudres spirituelles que Dieu envoie. Il est capable de multiplier des coups de foudre dans les camps de tes ennemis. Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Vous voyez, Dieu opère toutes ces choses-là. Une grande opération pour venir te délivrer là où tu es. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tes enfants là, tu n'as pas d'enfants parce que on les a mis en dessous de zoo. Il y a un esprit de zoo qui bloque ta fécondité. Je prie pour que Dieu maintenant envoie son armée céleste pour frapper, pour multiplier des coups de foudre jusqu'à ce qu'il va enlever l'enfant là où on l'a mis en dessous de zoo. Il dit, il étendit sa main d'en haut et me saisit. Il me retira des grandes zoos. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Waouh! Nous allons bénir le nom du Seigneur. Chantons ce chant. Hosanna. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. El Shaddai, le Dieu qui combat pour moi, de la poussière, il m'a retiré. Du fumier, il m'a relevé. De la maladie, il m'a restauré. De la pauvreté, il m'a conduit à la richesse. Hosanna, papa nanga na yemeni yoye. Hosanna, papa nanga na yemeni yoye. Hosanna, papa nanga na kumisi yoye. Hosanna, papa nanga na yemeni yoye. Hosanna, papa nanga na netoli yoye. Hosanna, papa nanga na yemeni yoye. Hosanna. Hosanna, que ton nom soit magnifié. Hosanna, papa nanga na yemeni yoye. Hosanna, libanga la talo na kumisi yoye. Hosanna, papa nanga na yemeni yoye. Hosanna, libanga la talo na bineli yoye. Hosanna, papa nanga na yemeni yoye. Hosanna, shilo na ngai na kumisi yoye. Hosanna. Hosanna, gumi sama, Hosanna, netola mahe, Hosanna, nabineli yoe, Hosanna, ya ya nanga, le tout puissant, ya ya nanga. Yembelama, Hosanna, Umisama, Hosanna. À Dieu, élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, pour bénir le nom du Seigneur, pour toutes ces révélations qu'il te donne. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Et aujourd'hui, notre texte de base, c'est le psaume 18, 1 à 20. C'est votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi au microphone. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de tous nos saïls qui cherchent à nuire à notre vie. Ce saïl que Dieu t'a révélé, celui qui est ton ennemi numéro 1, qui te poursuit, qui cherche à te faire du mal, que Dieu te délivre de ton saïl et qu'il renverse tous ses complots. Prions le Seigneur. Très excellent Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. C'est en toi que mon âme se confie et c'est de toi que vient mon salut. Oui, toi tu es mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ et nous nous élevons contre tous ceux qui nous empêchent de nous épanouir dans la vie. Nous prions contre tous ceux qui représentent Saül dans notre vie, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêche de prospérer dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nos ennemis, nos adversaires, leurs œuvres sont vouées à l'échec. Ta parole déclare, béni soit l'Éternel qui exerce nos doigts à la bataille et nos mains au combat. Ce matin, nous sommes prêts pour le combat et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nos adversaires, nos ennemis qui cherchent à nous empêcher de marcher, d'entrer dans notre destinée prophétique, leurs œuvres sont vouées à l'échec. Merci Père, parce que nous avons la victoire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous fortifies dans notre foi. Merci parce que tu nous fortifies dans notre espérance. Merci parce que tu nous fortifies dans notre lieu de travail. Tu nous fortifies dans notre foyer. Tu nous fortifies, ô Père éternel, partout où nous nous rendons. Nous proclamons la victoire parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons louer Dieu pour ses grandes délivrances qu'il a opérées dans notre vie. Disons-lui comme David, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon abri, tu es ma haute retraite. Tu vas proclamer son saint nom, tu vas le louer, tu vas le célébrer en déclarant ce que Dieu est pour toi. Prions le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Maître du ciel et de la terre, à qui doit revenir la louange, les actions de grâce, l'adoration, la célébration, la psalmodie. C'est à toi seul, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, le véritable Dieu, le Dieu incomparable. Ce matin, notre joie est grande, parce que nous savons à qui nous avons cru. Tu as opéré dans notre vie des grandes choses. Tu es notre abri, tu es notre rocher, notre haute retraite, notre goël, notre abri, notre Yahweh Ra, nous ne manquerons de rien. Adonai, ô Seigneur, le souverain, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des signes, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui fend la mer, le Dieu qui brise les rochers pour que ses enfants aillent à l'objectif bien déterminé par toi-même. Gloire à toi. Aucun homme ne peut s'opposer à ta volonté dans notre vie. L'ennemi ne peut que retarder, mais il ne peut jamais empêcher ta volonté de se réaliser dans notre vie. Quelles que soient les années, quels que soient les blocages, quelles que soient les barrières, tu interviens, tu délivres tes enfants, tu libères tes enfants, tu mets tes enfants au large. Rien ne peut t'empêcher de réagir dans la vie de tes enfants. Que la gloire te revienne ce matin. À toi seul, nos acclamations. Nous nous agenouillons devant toi pour te dire, tu es le maître, tu es le seigneur. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et les choses viennent à l'existence. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous ressemblons spirituellement à ceux qui sont dans des grandes eaux. Prions pour que Dieu descende pour nous délivrer de ces grandes eaux, comme il a fait pour David, et qu'il disperse nos ennemis. Tu vas dire, Seigneur, descends, viens, délivre-moi de cette situation, délivre-moi de ces grandes eaux, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérance. Béni sois-tu notre Dieu. Ce matin, je voudrais emprunter les mots de David pour dire « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Seigneur, oui, ce matin, je veux t'invoquer et te dire infiniment merci. Parce que dans cette détresse, je t'invoque. J'écris à toi. Délivre-moi. Délivre ma soeur. Délivre mon frère de nos ennemis. Délivre-nous parce que les eaux nous submergent. Délivre-nous parce que nous sommes dans le feu. Délivre-nous de cette situation inconfortable. Seigneur, délivre-nous de cette honte. Oui, notre Dieu, merci parce que tu te lèves dans notre vie, dans cette situation et tous nos ennemis se dispersent. Merci pour la force que tu nous donnes de te prier dans cette situation que nous traversons. Car nous allons traverser et nous allons atteindre le but, c'est-à-dire nous allons être récompensés. Merci pour la foi de quelqu'un que tu fortifies. Merci parce que tu étends ta main pour délivrer quelqu'un des oppressions des ennemis. Merci parce que tu libères quelqu'un. Merci parce que tu nous donnes la joie, le bonheur et la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous espérons vous retrouver encore demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.